Exercice spirituel durant la Sainte Messe, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Exercice spirituel durant la Sainte Messe. La Sainte Messe est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, le même sacrifice qu'il a offert sur la montagne du Calvaire. Il faut donc tâcher d'y assister avec autant de respect et autant de douleur de nos péchés que si nous voyions crucifié de nouveau devant nos yeux notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la messe va commencer. Seigneur, faites-moi la grâce de me faire entrer dans les dispositions où je dois être pour vous offrir dignement avec le prêtre cet auguste sacrifice. Je vous l'offre, ô mon Dieu, en m'unissant aux intentions de Jésus-Christ et de l'Église pour rendre premièrement à votre divine majesté l'hommage souverain qui lui est dû. En second lieu, pour vous remercier de tous vos bienfaits. En troisième lieu, pour satisfaire pour tous les péchés du monde et particulièrement pour les miens. En quatrième lieu, pour obtenir par Jésus-Christ votre Fils unique les grâces dont j'ai besoin. Au Confiteor. Encore que pour connaître mes péchés, ô mon Dieu, vous n'ayez pas besoin de ma confession et que vous lisiez dans mon cœur toutes mes iniquités, je vous les confesse pourtant à la face du ciel et de la terre. J'avoue que je vous ai offensé par mes pensées, par mes paroles et par mes actions. J'en dis ma culpe et je vous demande très humblement pardon. Vierge sainte, ange du ciel, saint et sainte du paradis, priez pour nous. Et pendant que nous gémissons dans cette vallée de larmes et de misère, demandez grâce pour nous et obtenez-nous le pardon de nos péchés. Quand le prêtre monte à l'autel. J'adore, Seigneur, votre miséricorde qui veut bien permettre que le prêtre s'approche de votre sanctuaire pour nous réconcilier avec vous. Détruisez par votre bonté tous les obstacles qui pourraient retarder cette réconciliation et nous empêcher de pénétrer dans votre amitié. À l'introïte. Vous, Seigneur, qui avez inspiré au patriarche des désirs si ardents de voir descendre votre Fils unique sur la terre, communiquez-moi quelque chose de cette sainte ardeur et faites que malgré les misères et les embarras de cette vie, je ressente en moi un saint empressement de m'unir à vous. Ô Kyrie Eleison, je vous demande, ô mon Dieu, par des gémissements et des soupirs réitérés, que vous me fassiez miséricorde. Et quand je vous dirais à tous les moments de ma vie, Seigneur, ayez pitié de moi, ce ne serait pas encore assez pour le nombre et pour l'énormité de mes péchés. Ô Gloria in excelsis, la gloire que vous méritez, ô mon Dieu, ne vous peut être dignement rendue que dans le ciel. Mon cœur fait ce qu'il peut sur la terre au milieu de son exil, il vous loue, il vous bénit, il vous adore, il vous glorifie, il vous rend grâce, il vous reconnaît pour le Saint des Saints et le seul Seigneur souverain du ciel et de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit. Aux oraisons, recevez, Seigneur, les prières qui vous sont adressées pour nous. Accordez-nous les grâces et les vertus que l'Église, votre épouse, vous demande en notre faveur. Il est vrai que nous ne méritons pas que vous nous écoutiez, mais considérez que nous vous demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous dans tous les siècles des siècles. À l'Épître. Je regarde cette Épître, ô mon Dieu, comme une lettre qui vient du ciel pour m'apprendre vos volontés adorables. Accordez-moi, s'il vous plaît, la force dont j'ai besoin pour accomplir ce que vous me commandez. C'est vous, Seigneur, qui avez inspiré aux prophètes et aux apôtres ce qu'ils ont écrit. Faites-moi un peu de part de leur lumière et mettez en même temps dans mon cœur une étincelle du feu sacré qui les a embrasés, afin que comme eux je vous aime et je vous serve sur la terre. À l'Évangile, je me lève, ô souverain législateur, pour vous témoigner que je suis prêt de défendre, aux dépens de tous mes intérêts et de ma vie même, les vérités éternelles qui sont contenues dans le Saint-Évangile. Faites-moi la grâce d'avoir autant de fidélité à accomplir votre divine parole que vous m'inspirez de fermeté pour la croire. Au Credo. Oui, mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous avez révélées à votre Sainte Église. Il n'y en a pas une pour laquelle je ne voulusse donner mon sang, et c'est dans cette fidèle soumission que, m'unissant intérieurement à la profession de foi que le prêtre vous fait de bouche, je dis à présent d'esprit et de cœur, comme il vous le dit de vive voix, que je crois fermement en vous. et je vous proteste que je veux vivre et mourir dans les sentiments de cette foi pure et dans le sein de l'Église catholique, apostolique et romaine. » À l'offertoire. « Quoique je ne sois qu'une créature mortelle et pécheresse, je vous offre par les mains du prêtre, ô vrai Dieu vivant et éternel, cette hostie sans tache et ce précieux calice qui doivent être changés au corps et au sang de Jésus-Christ, votre Fils. Recevez, Seigneur, ce sacrifice ineffable en odeur de suavité, et souffrez que j'unisse à cette sainte oblation le sacrifice que je vous fais de mon corps et de mon âme, de mes biens, de ma vie et de tout ce qui m'appartient. » Quand le prêtre lave ses doigts. « Lavez-moi, Seigneur, dans le sang de l'agneau, afin que, purifié de toutes mes tâches et revêtu de la robe nuptiale de votre grâce, je puisse espérer d'être admis un jour au festin que vous préparez à vos élus. » À la préface. « Il est temps, ô mon âme, de nous élever au-dessus de toutes les choses d'ici-bas. Attirez, Seigneur, attirez vous-même nos cœurs jusqu'à vous, et souffrez que nous unissions nos faibles voix au concert des esprits bienheureux, et que nous disions dans le lieu de notre exil ce qu'ils chantent éternellement dans le séjour de la gloire. Saint, saint, saint est le Dieu que nous adorons, le Seigneur, le Dieu des armées. » Après le Sanctus. Père éternel qui êtes le souverain, pasteur des pasteurs, conservez et gouvernez votre Église. Sanctifiez-la et répandez-la par toute la terre. Unissez tous ceux qui la composent dans un même esprit et un même cœur. Bénissez notre Saint-Père le Pape, notre prélat, notre roi, notre pasteur et tous ceux qui sont dans la foi de votre Église. Au memento des vivants, je vous supplie, ô mon Dieu, de vous souvenir de mes parents, de mes amis et de mes bienfaiteurs spirituels et temporels. Je vous recommande aussi de tout mon cœur les personnes de qui je pourrais avoir reçu quelque mauvais traitement. Oubliez leurs péchés et les miens, donnez leur part au mérite de ce divin sacrifice, et comblez-les de vos bénédictions en ce monde et en l'autre. À l'élévation du Très-Saint-Sacrement. Ô Jésus, mon Sauveur, vrai Dieu, vrai homme, je crois que vous êtes réellement présent dans cette sainte hostie et vous proteste que j'aimerais mieux mourir 100 millions de fois que d'en douter en aucune manière. Je vous y adore de tout mon cœur et vous y rends tous les hommages possibles. À l'élévation du calice. Ô précieux sang qui avez été répandu pour nous sur la croix, je vous adore de tout mon cœur. Guérissez-moi, purifiez-moi, sanctifiez-moi. Laissez, Seigneur, laissez couler une goutte de ce sang adorable sur mon âme, afin de laver ses taches et de l'embraser du feu sacré de votre amour. Au memento des morts. Souvenez-vous, Seigneur, des âmes qui souffrent dans le purgatoire. Elles ont l'honneur de vous appartenir et d'être vos épouses. Achevez de leur faire miséricorde. Je vous recommande particulièrement celles qui sont les plus abandonnées, et celle pour qui je suis le plus obligé de prier. Au Pater. Quoique je ne sois qu'une misérable créature, cependant, grand Dieu, je prends la liberté de vous appeler Père. Vous le voulez, Seigneur, faites-moi donc la grâce de ne me pas rendre indigne de la qualité de votre enfant, que votre saint nom soit béni à jamais. À l'Agnus Dei. Divine agneau, qui avez bien voulu vous charger des péchés du monde, ayez pitié de moi. Je suis accablé du poids et de l'énormité des miens. Portez-les, mon Jésus, portez-les, puisqu'en les portant, vous les effacerez, et qu'en les effaçant, vous me donnerez votre paix et votre amour. Ô Domine non sum dignus. Hélas, Seigneur, il n'est que trop vrai que je ne mérite pas de vous recevoir. Je m'en suis rendu tout à fait indigne par mes péchés. Je les déteste, parce qu'ils m'ont éloigné de vous. Rapprochez-moi, mon Dieu, en me parlant au fond du cœur et m'excitant à la pénitence. À la communion du prêtre, quand on ne communie pas réellement. Ô mon aimable Jésus, si je n'ai pas le bonheur aujourd'hui d'être nourri de votre chair adorable, souffrez du moins que je vous reçoive d'esprit et de cœur, et que je m'unisse à vous par la foi, par l'espérance et par l'amour. Je crois en vous, mon Dieu, j'espère en vous, je vous aime de tout mon cœur, et je voudrais être en état de vous recevoir dans ce divin sacrement, avec toutes les dispositions que vous souhaitez de moi. Quand on communie réellement. Quelle bonté, ô mon Dieu, que malgré mon iniquité, vous vouliez bien que je m'approche de vous. Préparez donc vous-même en moi votre demeure. Donnez-moi les dispositions saintes que je dois avoir, une foi vive, une espérance ferme, un amour sincère, un ardent désir d'être tout à vous comme vous allez tout être à moi, et une correspondance pleine et entière qui me fasse entretenir à jamais l'union sacrée que vous voulez bien que j'aie en vous. » Quand le prêtre ramasse les particules de l'hostie. « Seigneur, la moindre partie de vos grâces est infiniment précieuse. Je l'ai dit, je ne mérite pas d'être assis à votre table comme vos amis, mais permettez-moi du moins que je ramasse les miettes qui tombent, comme la cananée le désirait. Faites que je ne néglige aucune de vos inspirations, puisque cette négligence pourrait vous obliger à m'en priver entièrement. » Pendant les dernières oraisons, vous voulez, Seigneur, que vos fidèles vous prient toujours, parce qu'ils ont toujours besoin de vos grâces et que les trésors de votre miséricorde sont inépuisables. Avant la bénédiction. Sainte et adorable Trinité, sans commencement et sans fin, c'est par vous que nous avons commencé ce sacrifice. C'est par vous que nous le finissons. Daignez l'avoir pour agréable, et comme vous êtes en vous-même un abîme de majesté, soyez aussi pour nous un abîme de miséricorde, et ne nous renvoyez pas sans nous avoir donné votre sainte bénédiction. Avant le dernier évangile. Verbe éternel, par qui toutes choses ont été faites, et qui vous étant incarné pour nous dans la plénitude des temps, avez institué cet auguste sacrifice, nous vous remercions très humblement de ce que vous nous avez fait la grâce d'y assister aujourd'hui pour en recevoir les salutaires effets. Que tous les anges et tous les saints vous en louent dans le ciel, et que nous commencions nous-mêmes à vous en bénir sur la terre, en nous conduisant d'une manière digne de vous, durant le cours de cette journée. Ainsi soit-il. Fin de Exercice spirituel durant la Sainte Messe.